Chapitre 10e, au bord de la mer. Maurice ne songea guère à se coucher. Les événements de la soirée lui avaient donné à réfléchir. Il avait besoin de retrouver sa raison. Mais il était bien peu calme pour se rappeler ces événements et froidement les juger. Son baiser le brûlait toujours, et les paroles d'Armand lui emplissaient toujours la tête et lui étreignaient le cœur. Les lèvres d'Armand s'étaient-elles ouvertes ou fermées lorsqu'il lui avait donné ce baiser? Et ces paroles avaient-elles été des paroles de prière ou d'amour, de résistance ou d'abandon? Était-il aimé? Ne l'était-il pas? Armand seul pouvait le lui dire, et c'était avec impatience qu'il attendait le matin. Le premier regard de leur rencontre déciderait leur vie à tous deux. Une partie de la nuit se passa dans ses perplexités, et il dormait depuis quelques heures seulement, quand le docteur entra dans sa chambre. « Armande, s'écria-t-il en ouvrant les yeux, elle va bien. Mais toi-même, mon garçon, comment te trouves-tu? Moi, ce n'est rien, mais elle va bien. Cependant, nous ne la verrons point ce matin, car il reste encore un peu de fièvre. Mais elle m'a promis de venir dîner avec nous. J'espère qu'alors il n'y paraîtra plus. » L'heure du dîner arriva, et quand tout le monde fut réuni, Armande parut. Elle était encore très pâle. Ses paupières étaient bordées d'un large cercle bistré, et une nonchalance générale abattait son corps. Cependant, par convenance pour ce jour de fête, elle s'était mise en toilette, mais l'éclat même de cette coquetterie rendait sa langueur plus apparente. Qu'allait dire son premier regard? Quoiqu'il cherchât ce regard, il ne le rencontra pas. Elle s'avança, les yeux baissés, et embrassant M. de Tréfléant et l'abbé, faisant aux trois jeunes gens une simple inclinaison de tête, elle prit place à côté de son grand-père. L'accident de la veille défraya presque tout le dîner, mais ce fut en vain que Maurice essaya d'attirer l'attention d'Armande. Elle évita constamment ses yeux, et quand le dessert fut servi, elle quitta la table. Que devait-il penser de ce silence? Devait-il craindre? Devait-il espérer? Était-ce mépris? Était-ce pudeur? Dans tous les cas, il était bien certain qu'elle l'évitait, et que s'il ne la surprenait pas, ce parti pris pouvait durer longtemps. Le lendemain, au déjeuner, où Armande ne parut pas, il annonça devant le docteur et devant les domestiques l'intention de faire une longue promenade, et au lieu de sortir comme il l'avait dit, il alla se mettre en sentinelle dans le jardin. Il s'était placé derrière un large lauriertain qui trempait ses branches dans le bassin où Armande était tombée. C'était assez loin de la maison pour qu'elle ne le vît pas, et point assez cependant pour que quelqu'un pût en sortir sans qu'il l'aperçût. Pensant qu'Armande voudrait assurément revoir ce fameux bassin, il attendit. Il attendit 3 heures. Puis, ce qu'il avait prévu se réalisa. Armande parut sur le perron, et après avoir tourné autour de la pelouse, elle se dirigea de son côté. Elle marchait lentement, la tête inclinée vers la terre, éclairée en plein par le soleil, laissant flotter au vent les larges brides de son chapeau de paille qui se détachait sur le fond blanchâtre de sa robe lilas. Bientôt elle arriva près de lui, mais il ne quitta pas encore son abri, car elle n'aurait qu'à faire un pas en arrière pour lui échapper, et il voulait la laisser s'engager dans le bois. Elle s'y engagea, et allant s'asseoir sur un banc, elle ouvrit un livre qu'elle portait à la main, puis elle le referma et parut se perdre dans une profonde méditation. Il sortit de derrière son arbre, et avec précaution il s'avança. Lorsqu'elle entendit le bruit de ses pas et qu'elle voulut regarder qui venait ainsi, il était devant elle. Elle se leva brusquement, son front se couvrit de rougeur, et ses mains commencèrent à trembler. Non moins ému, Maurice demeura immobile. Quoique bien ferme dans sa résolution, il tremblait aussi. Ils restèrent longtemps, la tête baissée, ne disant rien, ne voyant rien. Puis, en même temps, ils relevèrent la tête, leurs yeux se rencontrèrent, et fixes, béants, gonflés, ils s'arrêtèrent l'un sur l'autre. Quelques secondes s'écoulèrent dans cette muette contemplation. Leurs âmes étaient passées dans leurs regards, et par de rapides éclairs, elles s'attiraient et se confondaient. « Armande !» s'écria Maurice. « Maurice !» dit-elle faiblement, et elle cacha son visage entre ses mains. Il se fit un long silence, puis Maurice, d'une voix suppliante, « Ah, vous m'aimiez, n'est-ce pas? Vous m'aimiez, dites, Armande. » Elle ne répondit pas encore, mais écartant ses doigts, elle le regarda, et dans son regard plein de franchise et de candeur, Il avait un aveu plus doux et plus éloquent que toutes les paroles. Il saisit la main qu'elle avait laissée tomber, la prit dans les siennes, et la couvrit de baisers. Des mots sans suite s'échappaient de ses lèvres. Effrayée de cet emportement, elle voulut dégager sa main. Si j'ai pu avoir un moment d'oubli, c'est que ma tête était perdue. Aujourd'hui, j'ai toute ma raison. Je sais qui vous êtes, Armande, et je vous adore, à genoux. Depuis 2 mois que je vous aime, je n'ai jamais dit un mot. Je n'ai jamais fait un geste pour vous apprendre mon amour. Ce que j'ai toujours été, je le suis encore. Seulement, au lieu du doute et de l'incertitude qui me torturaient, vos douces paroles de l'autre soir et votre regard de tout à l'heure ont mis dans mon âme une joie qui me transporte. Il lui pressa la main, leurs doigts s'enlacèrent, et une fois encore leurs regards s'unirent. Elle était honteuse de se sentir ainsi regardée, elle était confuse d'entendre ces brûlantes paroles, mais elle était heureuse en même temps. L'émotion était plus forte que sa volonté, et tout ce qu'elle savait dire, c'était de répéter faiblement « Oh, c'est mal, Maurice, je vous en prie. » Elle le regardait au travers de ses larmes, mais dans sa voix et dans ses yeux, il y avait plus de joie que de tristesse, plus d'amour que de reproche. Avec des paroles que la passion rendait persuasives, il s'efforçait de la rassurer. Moins chaste, moins ingénue, elle eût été moins confiante, mais son esprit candide n'avait jamais soupçonné le mal. Il était près d'elle, il lui tenait la main et la brûlait de son regard. Il était jeune, beau, éloquent, il parlait d'amour, elle l'écoutait de toute son âme. Il disait ses espoirs, combien le docteur était bon, combien il les aimait tous deux, combien il serait facile de le décider au mariage. Il se démontrait à lui-même, et il démontrait à Armande qu'il ne rencontrerait pas d'obstacle, qu'il n'avait rien à craindre, que pour être pleinement heureux, il n'avait qu'à attendre un jour, ou, comme le soir de sa fête, le docteur n'aurait rien à leur refuser, qu'il n'y avait qu'à faire naître une occasion, et que, jusqu'à ce moment, ils devaient s'abandonner à leur joie et s'aimer de tout cœur. Il trouvait des gestes, des accents, des ardeurs, des transports, des enthousiasmes qui fascinaient Armande. Suspendue à ses lèvres, les yeux dans ses yeux, elle avait tout oublié et n'était plus qu'amour. Ils avaient abandonné les bords du bassin, et par la grande allée, ils marchaient lentement, côte à côte. De temps en temps, ils s'arrêtaient. Ils se tournaient l'un vers l'autre, ils se regardaient dans une longue extase, puis ils se remettaient en marche. Les grands arbres laissaient tomber sur leur tête l'ombre et la fraîcheur, et par des percées ouvertes, çà et là, on voyait la mer d'un beau bleu d'azur sous un ciel de feu. Il fallut se séparer. Déjà bien des fois, ils étaient venus jusqu'au bassin, et toujours, ils étaient retournés sur leurs pas en se disant « Encore une minute, rien qu'une minute. » Lorsqu'il rentra, elle était assise près de son grand-père. « Eh bien, dit le docteur, ta promenade, superbe. Tu ne t'ennuies pas trop avec nous ? Mon plus grand bonheur, je vous le jure, serait d'y passer ma vie. Mon garçon, reste tout le temps que tu voudras. Tu sais que je t'aimais déjà comme un fils, mais après ce que tu as fait pour Armande et pour moi, c'est un nouveau lien que tu as formé entre nous, plus solide encore. Je suis ton obligé. Tu verras que je ne suis pas un ingrat. » Armande et Maurice s'interrogèrent mutuellement du regard. Celui-ci s'avança comme pour parler, prit la main du docteur et hésita quelques secondes. Pendant qu'il réfléchissait et se gourmandait, Marie-Ange vint annoncer que le dîner était servi. L'occasion était perdue. Ils se retrouvèrent le lendemain à l'endroit où ils s'étaient quittés la veille, mais pendant la nuit et à leur insu, de grands changements s'étaient accomplis en eux. Pour Armande, cet entretien de la journée avait été la révélation de la vie et du bonheur. Et comme la première pluie chaude du printemps tombant sur une branche y fait éclore les boutons gonflés de sève, la parole de Maurice avait fait éclore en son âme un monde de poésie, d'enthousiasme et d'amour. Pour Maurice, cet entretien avait été aussi la révélation d'une vie nouvelle qui allait commencer, et où tout serait oubli pour le passé, certitude pour le présent, espérance pour l'avenir. Il prononçait le nom d'Armande, il pensait à elle, et il retrouvait sa jeunesse. Il serait heureux, il serait fort, il serait grand. Ils s'abordèrent, les joues pâles d'émotion, les yeux brillants de plaisir. « J'ai rêvé de vous, chère Armande, et 20 fois je vous ai dit en dormant combien je vous aimais. Mais l'autre nuit, quand je craignais de vous avoir offensé, quand je me demandais si vous voudriez me revoir, si nous aurions encore nos entretiens, notre travail, nos promenades, combien j'ai souffert. Et moi, interrompit-elle. Vous ? Je m'accusais moi-même. Et de quoi ? Je vous en prie, ne m'interrogez pas, et ne me forcez point à rougir devant vous. Je ne suis qu'une enfant qui vous aime, et ne saurais vous résister. Ayez pitié de ma faiblesse et de mon ignorance. » Il insista en la pressant. « Eh bien, reprit-elle alors en baissant les paupières, lorsque grand-père fut sorti de ma chambre, je me mis à pleurer. Je me rappelais les paroles qui m'étaient échappées, et j'avais honte de moi. Il me semblait que je n'oserais vous revoir. Il me semblait que vous deviez me mépriser et me juger bien faible. » Maurice, que les confessions de cette âme naïve et franche emplissaient de joie et d'orgueil, loin de vouloir les arrêter, voulut les prolonger. Et docile à son inspiration, se défendant, rougissant, s'arrêtant, ne reprenant qu'après de douces prières, elle dit comment elle l'avait aimé, comment, le voyant près de sa mère malade, elle avait été prise de sympathie et de compassion, comment, lorsqu'il était revenu, elle avait été elle-même affligée de sa douleur. Elle dit encore comme elle avait été heureuse lorsqu'il avait parlé de leçons. Puis, coquettement et en souriant finement, elle rappela les distractions qui avaient accompagné ses leçons et qui, bien des fois, l'avaient laissé libre de passer plus de la moitié du morceau. Elle rappela ses refrains chantés à mi-voix en passant devant sa chambre, les longues promenades qu'on faisait devant ses fenêtres dès le petit matin. Mais, avec sincérité, elle avoua que souvent aussi elle-même avait été matineuse et que, cachée derrière sa jalousie, elle l'avait maintes fois regardé, tandis que, se croyant bien seul, il se dépitait de ne point la voir paraître. Et dans la grande allée où ils marchaient l'un près de l'autre, c'était des rires, des contemplations, des silences, des explosions de reconnaissance pour le passé, d'espérance pour l'avenir, qui les transportaient de joie et les ravissaient à eux-mêmes. Mais cette allée ombreuse, entourée de bois sombres, et où des sentiers débouchaient à chaque pas, offrait bien des chances de surprise et bien des dangers pour un pareil entretien. Maurice proposa de gagner la campagne. Ils sortirent, et par un chemin encaissé entre deux berges argileuses, bordées d'argousiers au feuillage argenté, ils montèrent vers la falaise. Bientôt les argousiers furent plus maigres, le chemin moins creux, le sentier battu moins large. Le vent de la mer souffla frais et salé, ils arrivèrent dans la lande. Une steppe s'étalait à perte de vue. Ça et là, le gazon avait été enlevé par larges plaques, et on l'avait mis sécher en petits tas pour s'en chauffer quand l'hiver serait venu. Le chemin s'en allait en zigzag, coupant les espaces couverts d'ajoncs. Ni le meuglement d'une vache, ni le bêlement d'un mouton, ni le cri d'un oiseau ne venaient troubler le morne silence de ce paysage désolé. Essoufflés de leur ascension, ils s'assirent sur l'herbe, les yeux tournés vers la mer. « Quelle tristesse ! » dit Armande, « et quelle solitude ! » « Quel contraste !» dit Maurice. « Avec la joie de notre cœur, et comme on est bien seul ici, nous y reviendrons tous les jours. Tous les jours, jusqu'à notre départ pour Paris. » Ces simples mots, « départ et Paris », prononcés sans intention bien précise, les émurent tous deux. Il y eut un moment de silence rêveur et recueilli. Puis Maurice, reprenant, « Que la pensée de quitter ce pays ne vous effraie pas, chère Armande. Nous n'y épuiserons point notre bonheur, et nous en aurons encore pour Paris, je vous le promets. C'est ici que nous nous sommes aimés, nous y reviendrons, tous les étés. Ce pauvre grand-père qui va rester isolé, il faudra bien venir le revoir. Nous tâcherons de le décider à passer chaque année quelques mois avec nous. Comment cela sera-t-il chez nous? Ce sera petit et simple, vous le savez, je ne suis pas riche. Oh, qu'importe, je travaillerai. Donc, cela sera petit, tout petit, et même à un étage un peu élevé. Aussi élevé que vous le voudrez, je ne vous demande que du soleil. Dans une rue sombre, il me semble que je mourrai. Nous habiterons une rue large, et nous aurons du soleil. Et une terrasse, et une terrasse. Pas bien grande, mais assez cependant pour y mettre des caisses avec de la terre. Moi, je planterai. Moi, j'arroserai. Nous aurons des vignes vierges et des volubilis. Quand nous serons riches, nous prendrons la moitié de notre terrasse pour en faire une petite serre. On y mettra des oiseaux et un bassin avec des rocailles. Il y aura un jet d'eau avec des menthes et des nymphées à bleu. Et en le voyant, on se souviendra d'un autre bassin plus large et plus profond, et on s'embrassera. Nos meubles seront en bois blanc, du bouleau et du merisier verni. Ils seront recouverts en perse. Quand nous serons riches, nous remplacerons la perse par de la soie. Nous ne verrons personne, n'est-ce pas ? Personne, excepté Martel, toutefois. Vous l'aimez, je l'aime. Nous passerons tout notre temps ensemble. Le matin, je me lèverai de bonne heure pour travailler. Nous déjeunerons. Je travaillerai encore un peu pendant que vous vous habillerez. Puis nous sortirons tous les deux pour nous promener. Vous me ferez connaître Paris. Sur leur tête, le ciel était radieux. Et le soleil versait à flot une lumière vivifiante. Au loin, des navires aux blanches voiles se découpaient sur le bleu de l'horizon et paraissaient immobiles au milieu de la mer. L'air était calme et le silence était partout. Seulement, de temps en temps, dans l'herbe où ils étaient assis, ils entendaient le bourdonnement d'un insecte qui voletait d'une bruyère à une soldanelle, d'une pâquerette à un ajonc. De temps en temps, un souffle arrivait du large qui courbait en les balançant les tiges écourtées des flouves et des fougères. Pour eux, en ce calme et en ce silence, tout était amour, et quand leurs paroles restaient muettes, c'est que leur cœur savait se parler et s'entendre. Assis près d'elle, serrant sa main qui tremblait dans les siennes, subissant les influences de la solitude et les langueurs d'une tiède atmosphère, il sentait ses artères gonflées battre avec violence. Le sang lui montait à la tête, ses yeux se troublaient, et parfois, il était prêt à saisir Armande dans ses bras. Il se leva, et prenant Armande par la main, il la fit lever aussi. Alors, par les chemins gazonnés, il l'entraîna. Comme deux poulains échappés, comme deux enfants, ils se mirent à galoper. Ils allaient, franchissant les buissons, roulant sur les cailloux, glissant sur l'herbe sèche, se soutenant l'un l'autre, riant, causant, s'excitant. Une sorte de délire joyeux les avait saisis. Leur passion contenue s'échappait en une gaieté nerveuse. Ils revinrent presque tous les jours dans la lande. Ils aimaient cette solitude où ils pouvaient se parler librement, se contempler sans témoin. Mais ces promenades délicieuses pour leur amour n'avançaient en rien leurs affaires. L'occasion de s'ouvrir à M. Michon ne se présentait pas. Et pendant ce temps, les journées s'écoulaient. Audrey devenait de plus en plus gênant par sa jalousie et sa surveillance, tandis que Martel lui-même compliquait la situation d'un nouvel embarras. Chaque fois qu'il revenait d'une excursion dans les environs, car autant par discrétion que par besoin de travail, il restait peu à Pleurac, il parlait en riant de départ et demandait quand on fixerait le jour. Là, de ne recevoir que des réponses évasives, il s'en expliqua plus sérieusement. « Or ça, dit-il un soir, est-ce que nous allons rester ici et attendre-nous Madame Baudistel toute notre vie ?» Madame Baudistel ne viendra pas, je ne l'attends plus. Elle viendra, au contraire, on m'a même assuré qu'elle arrivait prochainement. Que nous importe? Il m'importe peu à moi, cependant je crois que c'est le moment de nous en aller. À quoi bon, je ne la verrai pas. Alors à quoi bon rester? Il y a assez longtemps que nous sommes ici. Ah, chez des amis, chez tes amis. Ils t'ont élevé, tu es leur enfant, c'est bien. Moi, je ne suis l'enfant de personne ici, et je commence à en avoir assez de mes voyages dans le Finistère. Or, je te propose ou de nous remettre tous deux en route, ou de m'y remettre tout seul. Que veux-tu? Rester encore ici, et que tu y restes toi-même. À piquer les assiettes, merci. Non, mais en payant ton hospitalité. Faut-il que je donne des leçons de peinture? Il faut que tu fasses un tableau pour le docteur. À quoi bon un tableau quand on a tous les jours sous les yeux le soleil, la mer et des arbres, et qu'on sait les voir? Si tu lui faisais un coucher de soleil en pleine mer? Me prends-tu pour un membre de l'Institut? Veux-tu me rendre le service de peindre un coucher de soleil? Tu sais combien le docteur a été heureux de ma vieille romance qui lui a rappelé sa jeunesse. Ce que je te demande, c'est précisément un tableau qui la lui rappelle aussi. Un jeune homme et une jeune femme assis l'un près de l'autre, se tenant par la main, et regardent le soleil se coucher dans la mer. Il y a ici un portrait de Madame Michon. Tu feras tes personnages tout petits. La ressemblance ne sera pas bien difficile. S'il faut que je te brossasse dans le genre de ta romance, je ne pourrai jamais. Fais à ta manière, le docteur sera content de toi. Tu me flattes, misérable. Tu as donc bien envie de ton tableau? Franchement, oui. Je le ferai. Mais aussi franchement que tu viens de me dire oui, dis-moi quel est ton but. Tu as vu la joie du docteur. Je veux que nous lui en donnions encore une semblable, et comme j'ai une demande à lui faire, je profiterai de ce moment. Une demande? Une demande que je t'expliquerai plus tard. Quand penses-tu commencer? Déjà? Ça presse, mon bon, ça presse. Alors demain. Mais c'est à une condition. Tu comprends qu'avec la mer et le soleil pour fond, j'ai besoin d'un premier plan très soigné. Comme il y a dans l'île aux moines un éboulement qui m'a séduit, tu demanderas à M. de Tréfléant la permission de prendre son grand canot, et tu m'y conduiras. Quand Maurice parla de ce projet à Armande, elle en fut attristée. La pensée d'un voyage en mer, de 2 ou 3 heures au moins tous les jours, et la certitude qu'il lui faudrait, en restant seul, accepter une explication avec Audrey, les murs et l'effrayèrent. Mais lorsqu'elle eut compris que par ce moyen, leur bonheur serait bientôt assuré, elle se résigna, et ce fut même presque avec un sentiment de joie qu'elle les vit s'embarquer sur l'Albatros et mettre à la voile. L'île aux Moines, la plus grande d'un petit archipel que les flots ont divisé et déchiqueté, est à 2 lieues de Plorac et du haut des falaises on la voit au large, noire et ardue, au milieu d'une mer blanchissante. Pour être plus longtemps avec Maurice, Armande, le jour de leur départ, alla s'asseoir dans la lande, à la place même où ils avaient si souvent parlé d'amour, et elle put encore voir leur canot qui, poussé par une bonne brise, doublait la passe de l'Est, tournait l'île qui est à l'entrée de Plorac, revenait vers la passe de l'Ouest et gagnait la pleine mer. Il y avait déjà de longues heures qu'elle rêvait, lorsque, tournant les yeux vers le village, elle aperçut Audrey qui s'avançait vers elle. Son premier mouvement fut de s'enfuir, mais une nouvelle fuite ne décidait rien, et dans les conditions présentes, elle était impossible. Il fallait affronter l'entretien. Audrey s'approcha lentement. Il était encore plus pâle qu'à l'ordinaire, et ses yeux avaient un éclat brûlant. Arrivé devant elle, il la regarda quelques secondes en silence, puis, sans lui tendre la main, sans même lui faire un signe de tête, avec un accent plein de tristesse et d'amertume, « Eh bien, vous ne me fuyez donc pas aujourd'hui ? Pourquoi vous fuirais-je ? » interrompit-elle faiblement. « Parlez-vous sérieusement, Armande, et faut-il que je vous réponde ? Ou bien voulez-vous dire que vous ne me fuyez pas ?» Elle ne répondit pas, car elle ne pouvait le faire sans avouer la vérité, ou sans recourir au mensonge. La loyauté lui défendait une tromperie, la crainte un aveu. Une femme se serait sauvée en déplaçant habilement la question. Elle n'était qu'une jeune fille, elle se tut. « Oui, reprit-il, dites clairement que vous ne me fuyez pas. Dites que depuis l'arrivée de M. Berthaud à Plorac, vous êtes encore pour moi ce que vous étiez autrefois. Je ne suis point changé à votre égard, et j'ai toujours pour vous l'amitié la plus sincère. Vous l'affirmez, je le jure. » Ce fut au tour d'Audrey de rester silencieux, mais presque aussitôt reprenant. « Affirmez-vous aussi que vous ne me fuyez pas ? Vous ne me répondez pas. Tenez, je vous en supplie, expliquons-nous. Je suis malhabile aux choses de l'esprit. Il ne vous serait pas bien difficile de m'embarrasser avec d'adroites paroles, mais vous ne le voudriez point, n'est-ce pas ? Répondez donc franchement à ce que je vais vous demander franchement, et je croirai que vous avez encore un peu d'amitié pour votre pauvre Audrey. En vérité, je ne vous comprends pas. De quel droit, n'est-ce pas ? Pourquoi je vous parle ainsi ? De quel droit ? Du droit de l'amitié. Pourquoi ? Pour mon repos et pour mon bonheur. Car depuis 3 mois, je ne vis plus. J'ai une fièvre qui me brûle, et vous le savez bien, Armande. Je l'ai souvent vue dans vos regards, qui peut-être m'auraient rendu heureux, s'il y avait eu moins de pitié. Mais cette pitié qui me blessait il y a encore quelques semaines, aujourd'hui je l'implore. Au nom de cette pitié, au nom de mes souffrances, au nom de votre bon cœur, au nom de ce qui peut vous toucher, Armande, répondez-moi, aimez-vous, Monsieur Berthaud ? Et comme elle s'est élevée, « Ah, restez, c'est pour ma vie que je parle, ayez franchise, répondez-moi, aimez-vous, Monsieur Berthaud ? Ah, n'ayez pas honte, ne cherchez pas à me tromper, pas de phrase, pas de détour, l'aimez-vous ? » La question ainsi posée était des plus graves, elle le comprenait. Ne pas se contenter des raisons invoquées par Audrey et demander de quel droit il l'interrogeait ainsi, c'était provoquer une déclaration qui devenait inévitable, et que cependant il fallait éviter. Ne rien dire et s'échapper, c'était tout dire, c'était exaspérer Audrey. Répondre qu'elle n'aimait pas, c'était tromper un homme qui avait été son frère, lorsqu'il venait à elle, brutalement peut-être, mais à coup sûr loyalement. C'était le tromper avec la certitude que sa fourbe serait bientôt découverte. C'était s'exposer au mépris, à la haine, à la vengeance de cet homme, et y exposer aussi Maurice. Répondre qu'elle aimait, c'était manquer à sa promesse, c'était désespérer Audrey, le pousser peut-être à quelque extrémité, à une provocation, à une dénonciation, et puis, c'était encore pour elle se résigner à l'aveu le plus pénible, c'était déflorer son amour, le confesser à celui qui, le dernier, aurait dû l'apprendre. Cependant, elle s'y résigna. La pensée que c'était elle seule qui braverait le premier danger la décida. « Eh bien oui, dit-elle faiblement. Et le regardant, elle ajouta presque avec résolution. « Oui, je l'aime. » Il pâlit et, quoiqu'il s'attendît presque à cette réponse, son cœur cessa de battre et, haletant, éperdu, hébété, il la regarda sans trouver un seul mot. Le voyant ainsi et touché de pitié, elle se leva et lui prit la main. Longtemps, sans rien dire, ils se regardèrent. Puis, Audrey, détournant ses yeux où roulaient des larmes contenues, « C'est donc plus fort que vous ?» dit-il. Comme, sans répondre, elle lui avait abandonné la main. « Oh, je n'ai pas voulu vous faire de la peine, » ajouta-t-il, craignant de l'avoir blessée. « Je vous ai dit cela parce que je le sens. Je sais que vous êtes bonne et que si vous pouviez faire autrement, vous le feriez. » Comme elle ne répondait point encore. « Mais que vous a-t-il donc fait pour que vous l'aimiez ? » s'écria-t-il avec explosion. À ces mots, elle eut peur que cette colère, qui se dominait à peine, n'éclatât et ne tombât sur Maurice, et sentant que ce qui toucherait son amant la blesserait plus que ce qui la toucherait elle-même, comprenant aussi qu'Audrey l'aimait assez pour ne pas la frapper sans pitié, elle voulut détourner les coups et les attirer sur elle seule. « Audrey, dit-elle, que votre chagrin ne vous rende ni injuste ni blessant. S'il y a une faute, elle n'est pas à lui, elle est toute à moi. » Furieux de cette générosité, et ne voulant pas que son idole s'outrageât elle-même, « À vous ? » reprit-il, « c'est votre faute s'il est venu et revenu ici. C'est votre faute si pour se distraire il vous a regardé. C'est votre faute s'il vous a séduite. » Armande, les joues empourprées, se leva sans dire un seul mot, et déjà elle avait fait quelques pas pour s'enfuir, lorsqu'Audrey, la saisissant par le bras, « Oui, » reprit-il d'une voix brève, « séduite, ensorcelée. Je vous dis qu'il doit être sorcier pour vous avoir fait oublier vos amis et cette maison où vous avez grandi. Car enfin, vous ne pouvez être heureuse qu'ici. Que ferez-vous dans cette vie d'artiste? Quand même cet homme aurait toutes les qualités que vous lui attribuez et que je ne lui reconnais pas, moi. Mais enfin, la haine peut m'aveugler. Quand cela serait? Vous ne vivrez pas un an de cette vie. Vous n'êtes pas faite pour y vivre. Plante de ce pays, vous êtes faite pour y fleurir. Vous vous fanerez ailleurs. Armande, rappelez-vous votre mère. Il vous a donc fait oublier votre mère? Oui, c'est votre mauvais génie, et si vous partez, je le sens, vous êtes perdu. Qui parle de partir? Interrompit-elle. Pourquoi me parlez-vous de Paris? Que savez-vous? Que voulez-vous dire? Ah, pas de ruse, Armande. Je vous aime comme un frère. Je ne puis pas vous aimer autrement. Pourquoi voulez-vous m'en faire dire plus, puisque vous savez la vérité? Pourquoi m'attaquez-vous dans mon amour? Pourquoi voulez-vous que je vous blesse et que je me blesse moi-même? C'est vous qui êtes cruel, c'est vous qui êtes imprudent. Vous avez raison, Armande. Nous sommes fous tous les deux. Mais moi, de plus, je suis horriblement malheureux. Je sens que ma vie était attachée à la vôtre, que vous vous perdez et que je me perds avec vous. Je souffre moins de mon malheur que du vôtre. J'ai commencé cette conversation comme un amoureux, je la finis comme un frère. Il ne s'agit plus de moi, Armande. Oubliez-moi, je suis mort. Mais je ne veux pas que vous mouriez. Je peux parler de moi comme en parlerait ma mémoire, comme en parleraient mes amis si j'en avais. J'ai été votre amant, Armande. À ce mot, Armande, jusque-là foudroyée, eut un léger tressaillement. Audrey le vit, étendant la main comme pour la rassurer. J'aurais été votre mari, reprit-il. Regardez-moi. Vous n'aurez peut-être pas désormais l'occasion de me voir, et il faut que vous vous souveniez de moi. Regardez-moi. J'étais le bonheur. J'étais l'honneur, et lui... » Sa figure prit une expression sauvage en se tournant vers l'île aux moines. « Lui !» Elle fit encore un geste, mais Audrey, cette fois, d'autorité et comme la repoussant. « Je ne l'insulte pas, je le maudis. Lui, c'est la paresse, c'est l'amour frivole, c'est l'abandon, c'est le malheur, c'est la honte. Je sais que vous allez me haïr après de telles paroles, mais j'ai tout dit, je dirai tout, le bien comme le mal, l'amour comme la haine. » Retenez bien une chose, Armande. Vous vous la répéterez plus tard à vous-même. Vous n'avez été aimé, vraiment aimé, que pendant un jour, pendant une heure, par un homme. Ce jour, c'était aujourd'hui. Cette heure, c'était celle où nous sommes. Cet homme, c'était moi. L'amour, vous le cherchez là-bas, il est ici. Ces paroles, il eut peur de lui-même. Il eut peur de s'attendrir. Et il ne le voulait pas. Toutes les pensées lui traversèrent tumultueusement l'esprit. Se jeter aux genoux d'Armande, lui demander pardon, lui demander merci, ou bien la saisir dans ses bras et se lancer avec elle du haut de la falaise. Il la regardait fixement avec des yeux terribles, mais il ne la voyait plus. Elle était auprès de lui, il la cherchait. C'est qu'il la voyait plus loin. Il la voyait dans l'avenir, il la voyait dans sa maison. Malgré tous ses pronostics de malheur, amante adorée, femme heureuse, mère chérie. Aussi put-elle croire réellement que son esprit était égaré quand elle lui entendit proférer ces paroles. « Ah, ils sont bien beaux, vos enfants, Armande, et ils vous aimeront bien. Je vais vous demander une dernière grâce, ne me la refusez pas. Quand ils seront déjà un peu grands, et que le soir, vous leur ferez faire leur prière, quand vous leur aurez dit « Prie pour ta mère, prie. » Ici, il eut comme un étranglement. « Prie pour ton père. » Vous leur direz « Prie pour ton ami Audrenne, que tu n'as pas connu et qui m'aimait bien. Il en a bien besoin, bah, car il a cruellement souffert en ce monde, et Dieu sait s'il ne souffre pas encore plus dans l'autre. » En disant ces mots, il s'enfuit en pleurant, en hurlant. Elle éprouva un sentiment de délivrance en la voyant s'éloigner. Au moral comme au physique, elle était affaissée. La rapidité avec laquelle les paroles d'Audrenne s'étaient succédées ne lui avait laissé que le temps de recevoir les coups sans songer à les parer. Quoiqu'il se fût rapidement éloigné, et que déjà on ne le vit plus, elle n'osait lever les yeux. Elle frissonnait. Elle se sentait en quelque sorte encore enveloppée de cette colère et de ce désespoir. Il lui fallut presque un effort de volonté pour évoquer ce nom si aimé de Maurice. Mais, ayant jeté les yeux sur l'île aux moines, cette vue lui fut incordiale. Elle se leva, tout allégée, et reprit lentement le chemin de la maison. Il lui semblait qu'elle avait fait une grande maladie. Son cœur battait avec violence, elle sentait des plaques de rouge sur les joues, ses jambes ne la portaient plus. Plusieurs fois elle fut obligée de s'arrêter, mais elle ne voulut point s'asseoir. Il lui semblait qu'elle ne pourrait plus se relever. Les sinistres prédictions d'Audrenne lui revenaient à la mémoire, elle en était assiégée. « Si c'était vrai, tout ce qu'il m'a dit, si cela devait m'arriver ainsi. » Puis elle éprouvait une violente commotion dans la tête. Son esprit s'engourdissait et devenait trouble, et machinalement elle répétait « si cela était ainsi ». Alors, apercevant les arbres qui entouraient la maison, elle voulut chasser cette idée. Dans son égoïsme naïf, elle n'avait songé tout d'abord qu'à elle et aux présages de malheur jetés sur Maurice, mais le fond de sa nature c'était la bonté. Dès qu'elle cessa de se voir elle-même et celui qu'elle aimait, la figure pâle et désespérée d'Audrenne lui apparut. Elle souffrit de l'avoir tant fait souffrir, se reprocha de ne pas l'aimer, et en arriva à se poser cette question terrible. Est-il donc vrai qu'on ne peut faire le bonheur de l'un sans faire le malheur de l'autre? Cette première idée en apportait avec elle une seconde, qu'elle ne se formulait pas avec précision, mais que son amour lui présentait avec persistance. Pourquoi nous plutôt que lui? De là à se dire que la douleur d'Audrenne était peut-être moins profonde qu'il ne le croyait, plus guérissable, qu'il était jeune, qu'il était fort, qu'il ne se dégoûterait pas de la vie parce qu'elle ne lui avait point tenu ses promesses. De ses premières pensées complaisantes à ses dernières pensées lâches, il n'y avait pas loin. À mesure qu'elle s'approcha de la maison, le bruit que faisaient dans son âme les paroles d'Audrenne alla s'atténuant, et de ses yeux, son image alla s'effaçant. Ce fut le souvenir de Maurice, qui rentra en triomphateur dans cette âme d'où il avait été un instant expulsé. Ce fut Maurice qu'elle entendit et qu'elle vit désormais, et ce fut lui, à coup sûr, qui, lorsqu'elle mit le pied sur le seuil, se pencha vers elle et lui répéta ce mot que ses lèvres répétèrent docilement sans que son esprit s'y prêtât, sans que son cœur y consentît. Il se consolera. Le lendemain, elle ne remonta pas sur la falaise pour assister au départ de Maurice, car l'aspect de ce lieu était désormais pour elle inséparable de la scène qu'elle y avait eue avec Audrenne. Son image attristée lui défendait d'y entrer, et il lui semblait qu'elle n'y remonterait jamais. Cependant, vers le milieu de la journée, la chaleur étant devenue étouffante, de gros nuages s'amoncelant à l'horizon, les feuilles frissonnant toutes seules dans les buissons, les vaches meuglant plaintivement dans la prairie, elle se décida à y aller, elle voulait se rassurer sur Maurice. Son amour fut plus puissant que ses craintes et que ses remords. En chemin, elle rencontra M. de Tréfléant. « Sais-tu à quelle heure ils doivent rentrer ?» demanda celui-ci. « Par avant ce soir, je pense. Le temps se charge. Il y a dans le ciel des tons jaunes et verts qui n'annoncent rien de bon. Les nuages s'entassent, ils courent contre le vent. Si le vent tourne, nous aurons un orage. Montons sur la falaise, peut-être les verrons-nous venir. Monte devant, je vais aller chercher une longue vue, je te rejoins. » Armande arriva rapidement sur la falaise. Ce fut en vain qu'elle interrogea l'horizon. on ne voyait au loin que les îles noires au milieu de la mer calme. L'air était lourd. De temps en temps soufflait de la terre une rafale chaude, et presque aussitôt tout redevenait immobile, même les herbes les plus flexibles. « Eh bien, » dit M. de Tréfléant, qui arrivait suivi d'Audren. « Je ne les vois pas, » répondit Armande, sans oser tourner les yeux vers Audren, qui lui-même regardait la mer. « À quoi pense-t-il donc ?» continua M. de Tréfléant. « Les oiseaux devraient leur dire qu'il faut rentrer. » Des mouettes et des pétrels arrivaient du large en bandes nombreuses pour se blottir dans les trous de la falaise. Le ciel devenait de plus en plus noir. Les nuages s'amoncelaient en masses compactes et confuses. « Regardez !» dit tout à coup Audren. De derrière l'île, on vit sortir le canot toute voile dehors. Sur l'horizon noirâtre, sa silhouette blanche se détacha vivement. Presque en même temps, la mer, qui jusqu'alors avait été sans une ride, frémit comme sous une pluie battante. Elle se souleva en deux ou trois grands sillons qui, prolongeant leur mouvement onduleux, vinrent s'abattre sur le rivage. De petites vagues, courtes et clapoteuses, s'agitèrent en se choquant. Leurs crêtes verdies se couvrirent d'écume. Le vent avait fait une saute et s'était mis avec l'orage. Les nuages commencèrent à courir. Dans le lointain, on entendit le roulement du tonnerre. Le canot aussi commença à courir. Bientôt, on le vit plus grand et plus distinct. Avec la longue vue, on les aperçut sans peine. Maurice était au gouvernail. Martel tenait l'écoute de la voile. « Eh bien, » reprit Armande, « croyez-vous pas qu'avant une heure, ils seront ici ?»« Ils y seraient bien avant une heure, » répondit M. le Tréfléant, « s'ils pouvaient venir en ligne droite. Comme il faut qu'ils aillent doubler l'île Goé, ils vont remonter vers l'est. Bientôt, nous ne les verrons plus. » Deux routes s'offraient pour entrer à Plorac, l'une par la passe de l'est, l'autre par la passe de l'ouest. La passe de l'est est large, ouverte, bordée d'une côte plate et d'un rivage sablonneux. C'est celle par laquelle entrent les navires. La passe de l'ouest, ayant la forme d'un entonnoir dont le petit bout serait tourné vers le village, est bordée d'un côté par l'île de Goé et de l'autre par la falaise. Son fond est parsemé d'énormes quartiers de rocs, son rivage à pic est couvert de galets, les vents du nord et de l'ouest qui s'y abattent librement y rendent les vagues terribles. Quand le petit détroit tortueux séparant l'île de la terre, et qu'à marée basse on peut traverser à pied sec, commence à s'emplir d'eau, le courant de la mer montante s'y engouffre avec un bruit et une rapidité si formidables que les pêcheurs l'ont baptisé l'enfer de Goé. C'était en face de cet entonnoir que courait l'Albatros. « Ils sentent déjà la marée, » dit Audren. « Au lieu de remonter, ils dérivent vers nous. « Crois-tu ? » s'écria M. le Tréfléant. « Voyez !» Le vent fraîchit toujours, il va les soutenir. Maurice connaît trop bien le danger pour s'y laisser acculer. Il n'y aura pas d'eau avant 2 heures dans l'enfer. Il faudrait un autre marin que lui pour s'en tirer. La marée augmente de force, et s'ils ne mettent le cap au nord, ils ne la refouleront jamais. Ils regardèrent pleins de crainte et d'émotion. Sous le vent, de plus en plus fort, l'Albatros se couchait sur la vague, et son entrave s'enfonçant dans l'écume laissait sur son passage une longue traînée blanche. Il allait, rapide, bondissant devant la tempête. Mais celle-ci s'avançait encore plus rapide. De minute en minute, les roulements du tonnerre se rapprochaient. Les éclairs se succédaient sans interruption. Les rafales s'abattaient sur la côte plus violente. Les lames s'élançaient les unes par-dessus les autres. Elles se brisaient avec fracas sur la grève, et les galets, agités en de puissants tourbillons, faisaient entendre des bruits rauques. Dans la lande, les ajoncs sifflaient et craquaient. Les fleurs arrachées de leurs tiges passaient dans l'air, emportées par le vent. L'Albatros fuyait toujours, totalement incliné sur la vague, qu'on pouvait croire à chaque instant qu'il allait chavirer. Mais plus il se rapprochait, plus il devenait évident, même pour l'œil le moins exercé, qu'il déviait de la ligne droite et qu'au lieu de s'avancer vers la pointe de l'île, il dérivait vers la passe où le poussait la marée montante. « Il dérive toujours, » dit Audren. « S'il ne court pas une bordée dans le nord, » continua M. le Tréfléant, « ils ne doubleront jamais la pointe. » Le canot, que jusqu'à ce moment on avait toujours vu par le travers, n'apparut plus que comme un petit point. Il piquait droit vers la pleine mer et ne se présentait plus qu'en longueur, rudement secoué par le tangage. Mais il ne garda pas longtemps cette direction. Bientôt il reprit sa première allure et gouverna vers l'extrémité de l'île. « Ils pouvaient se sauver, ils se perdent !» s'écria M. le Tréfléant. « Ils auront eu peur des vagues qui embarquent !» dit Audren. « L'Albatros est insubmersible, mais il n'est pas de fer. S'ils sont acculés contre les récifs, il sera brisé comme une paille !» Les voilà maintenant qui mettent le cap sur terre. Descendons, ils auront perdu la tête. » En courant, ils descendirent le sentier de la falaise. L'angoisse étouffait Armande. Quand ils arrivèrent sur la grève, l'orage avait redoublé d'intensité, et les vagues accouraient en roulant et déferlaient avec fracas sur le sable. Le vent soufflait sans relâche. Les roulements de la foudre avaient été remplacés par des déchirements et des claquements aigus et précipités. Le canot n'avait plus qu'une faible distance à parcourir, mais tout autour de lui s'élevait une infranchissable barrière de récifs qu'on devinait à de pics noirâtres qui, sortant de la vague et la déchirant sans cesse, faisaient à toute la plage une blanche teinture d'écume. Il n'y avait pas un seul passage pour gagner la terre, et la marée, qui 2 heures plus tard devait donner 6 ou 8 mètres d'eau dans la passe, avait pour le moment rendu le danger encore plus terrible en permettant aux lames d'atteindre les bas-fonds et de s'y briser avec fureur. La situation était des plus critiques. Ceux du canot la comprenaient, et ceux du rivage étaient dans l'impossibilité de leur porter secours. Ils auraient voulu leur crier de tenir tête à la mer, mais la bourrasque soufflait si fortement que c'était à peine si, l'un contre l'autre, ils s'entendaient parler. Ils ne pouvaient que des bras leur faire des signaux pour les repousser au loin. Soit que ces signaux fussent compris, soit que Maurice ne sût comment trouver sa route au milieu du dédale de rochers qui lui fermait le passage. Tout à coup, les 2 voiles glissèrent le long du mât et de la draille, l'ancre fut mouillée, et l'Albatros, trouvant un point d'appui, vira sur lui-même et s'arrêta brusquement. Armande, qui jusqu'à ce moment était restée les yeux sur le canot, s'attendant à chaque minute à le voir se jeter contre les rochers et s'y ouvrir en pièces, laissa échapper un soupir. Le bruit s'étant répandu au village qu'une embarcation s'était laissée affaler au milieu de la passe de l'enfer, chacun était descendu sur la grève et M. Michon, plein d'inquiétude, arrivait aussi vite que le lui permettaient ses 70 années. Du premier coup d'œil, il vit le danger. La proue tournait vers la pleine mer, à 150 mètres à peine du rivage. L'Albatros recevait en plein toutes les lames et il y faisait d'effroyables plongeons. S'il n'eût pas été au ras du plat-bord, recouvert d'un pont qui se creusait seulement au centre pour permettre aux passagers de s'asseoir, il n'eût pas tardé à couler bas. Martel et Maurice écopaient, sans se reposer, l'eau qui embarquait à chaque instant. « Et quoi ? » s'écria le docteur. « N'y a-t-il rien à faire ?» Personne ne répondit. Quoiqu'il ne fût pas encore 5 heures, il faisait déjà presque nuit, tant les nuages étaient sombres. Mais quand l'éclair déchirait ces nuages, le ciel paraissait s'ouvrir. On ne voyait que des lueurs sinistres et des flammes éblouissantes. La vague, qui s'abattait sur la grève, lançait des galets, des flots d'écume que le vent balayait et d'énormes paquets de varechs et de goémons. Dans les groupes, on se communiquait ses craintes et ses impressions. « Faut que le câble de l'ancre soit fameusement bon. Il ne tiendra pas toujours. Jamais il ne sera assez solide pour résister à un pareil tirage. » Si le canot s'élevait sur la lame, ce serait possible. « Mais il se coiffe. Il sera arraché dans un plongeon. » Si on allait chercher des cordes, des planches, des barriques... Ah, des planches et des barriques, elles n'arriveraient jamais jusqu'à eux. Le vent et la marée les rejetteraient tout de suite dans l'enfer. Savent-ils nager? Le Parisien, je ne crois pas. Nager de ce temps-là, il serait brisé sur les roches. Chacun se taisait, et quand un coup de tonnerre éclatait, on se signait dévotement, on secouait la tête et l'on regardait la mer. Armande, M. Michon et Audrey faisaient un groupe à part. Personne n'osait les approcher. Monsieur le Tréfléant arpentait le sable à grands pas, examinait le ciel, la mer et l'horizon. Le docteur s'était laissé tomber sur un quartier de granit. Audrenne, sombre et immobile, suivait des yeux Armande, pâle, oppressé, se levant en sursaut, regardant la mer, regardant la barque, regardant tout le monde comme pour implorer du secours, se rasseyant, se levant encore, allant de l'un à l'autre, joignant les mains, ne pensant même plus à cacher ses pleurs. À chaque instant, le péril augmentait. Par moments, la proue de l'Albatros disparaissait entièrement et sa poupe, soulevée par la vague, laissait voir en retombant sa carène luisante et plus de la moitié de la quille. Enfin, M. de Tréfléant, qui depuis longtemps déjà ne répondait plus aux questions que lui adressaient Armande et le docteur, revint vers eux et, ayant fait un signe à 3 ou 4 marins, un petit cercle se forma autour de lui. « Le moment est arrivé, » dit-il d'une voix brève. « L'ancre ne tiendra pas longtemps, la mer grossit, l'ouragan redouble, ils vont être jetés à la côte. »« C'est vrai, » dirent les marins. « Il n'y a qu'un moyen de les sauver, maintenant qu'il y a de l'eau sur les récifs. C'est qu'un de nous se jette à la mer, gagne le canot et court quelques bordées. Dans une demi-heure, il y aura 20 pieds de fond dans l'enfer. Ne tenterons-nous rien pour les sauver ? » Les marins s'examinèrent en silence. Il y eut un moment d'hésitation. « Mais, s'écria Armande, la distance est si petite !»« Ce n'est pas la distance, brave demoiselle, dit un des marins, c'est les roches qui nous effraient. » Ce qu'elle avait dans l'âme de dévouement et d'amour passant dans ses yeux, elle regarda tour à tour les marins, monsieur de Tréfléant, Audrenne. Celui-ci était plein d'incertitude. S'il ne s'élançait pas à leur secours, ce n'était point la peur qu'il retenait, mais la pensée qu'un de ces hommes était son rival, son ennemi, et que lui mort, Armande était libre. Sous le regard désespéré de la jeune fille, sous ce regard qu'il implorait après l'avoir si cruellement blessée, il baissa les paupières, rougissant de lui, mais presque aussitôt il les releva et fit un pas en avant. « J'y vais » s'écria-t-il. « Vous ? » fit Armande. « Qui vient avec moi ?»« Moi !» dit un marin. « Ma foi, tant pis !» dit un autre. « Moi aussi !»« C'est assez de deux !» interrompit monsieur le Tréfléant. « Merci, le Cornec. Venez, Cloaghen, vous n'avez pas d'enfant. » S'adressant à son frère, « Arrivé dans le canot, tu hisseras le petit phoque et tu courras des bordées d'est en ouest et d'ouest en est, en tâchant de t'élever dans le vent. Tu feras parer le grand phoque pour remplacer le petit si la bourrasque vous l'enlève. Si vous ne pouvez pas doubler la pointe de l'île, nous vous tirerons des coups de fusil aussitôt qu'il y aura assez d'eau dans la passe. Si vous ne nous entendez pas, vous verrez la lumière. Embrassons-nous, que Dieu soit avec toi. » « Embrasse-moi aussi, mon garçon, » s'écria le docteur. Il allait passer devant Armande. « Sauvez-les, » dit-elle, « sauvez-le !» Il s'avança sur le sable, Cloaghen y était déjà tout nu. En une minute, Audrenne se débarrassa de ses vêtements jusqu'à la ceinture. Et tous deux, ils restèrent immobiles, attentifs, prêts à saisir le moment où se briserait une bague plus faible que les autres. Ce moment venu, ils firent un signe de croix et s'élancèrent. Les respirations s'arrêtèrent dans les poitrines, on les suivait du regard. Ils nageaient vigoureusement, tantôt sur la vague, tantôt dans une véritable vallée, tantôt plongeant la tête en avant sous une crête écumeuse. Ils avaient franchi les premières lames sans se faire rouler, mais entre eux et l'albatros se dressait encore le plus sérieux obstacle, c'était la ceinture de rochers. La mer y accourait, menaçante, s'y brisait avec force, retombait moitié du côté du large, moitié du côté de la falaise, faisait un tourbillon d'herbe, de sable et d'écume, et laissait à sec des aiguilles verdâtres qui, deux secondes après, disparaissaient sous 20 pieds d'eau. Ils arrivèrent au pied de ces récifs. Longtemps ils luttèrent pour s'en approcher, et ce ne fut qu'en profitant habilement d'un intervalle de repos qu'ils purent y monter. À peine y était-il qu'une vague les enveloppa et les engloutit. Quand elle s'abaissa, Cloaghen avait disparu. Audrenne, toujours sur sa roche, à moitié cachée dans l'écume et dans les goémons, se cramponnait à une pointe de granit. Il se dégagea vivement, courut à un autre rocher, et l'embrassant de ses bras et de ses jambes, il attendit. La vague passa sur lui, et comme la première fois, elle le submergea. Puis, quand elle se fut séparée en deux, on le vit solide comme le rocher lui-même. Il fit un signe de tête à ceux du rivage, rejeta ses longs cheveux en arrière, et quand la troisième vague eut passé et se fut retirée, on ne le vit plus. Il y eut un moment d'anxiété. Bientôt il reparut au large, tandis que du côté du rivage, Cloaghen reparaissait aussi, pâle, défait, s'agitant, désespéré. Deux hommes s'élancèrent à son secours, et le ramenèrent sur la plage. Les récifs lui avaient déchiré la poitrine et les mains, il était couvert de sang. Audrenne nageait toujours, mais il avançait peu. Il y avait des instants où on ne le voyait plus du tout, d'autres où il semblait revenir en arrière. Enfin il l'approcha du canot, et à l'aide des cordages que Maurice et Martel lui lancèrent, il y grimpa. L'angoisse avait été si poignante qu'Audrenne, sur l'albatros, on les crut sauvés. Il ne l'était pas, car loin de se calmer, la tempête suivait une marche ascendante. À peine à bord, Audrenne, aidé de Maurice et de Martel, hissa le phoque, l'ancre fut filée, et la barque, si rudement secouée tout à l'heure, recommença à bondir sur les vagues. Avec sa petite voile triangulaire, elle allait comme une flèche. Quelquefois elle disparaissait, corps et voilure, entre deux vagues, quelquefois aussi, soulevée brusquement, elle montrait toute sa carène. « Ah mon Dieu !» disait la foule, « ils vont chavirer !»« Les voilà qui se rapprochent !»« Non !» Ils viennent prendre le vent pour courir dans l'ouest. Ah, quelle lame! S'il faisait bien, il promettrait un cierge à Saint-Jouan. Et un aussi à la Bonne Vierge. Ah, quel éclair! Et les moins braves couraient se mettre à l'abri dans les anfractuosités de la roche. Les lames étaient devenues des masses tumultueuses qui s'écroulaient avec un épouvantable fracas et jetaient sur la plage des cailloux, des fucus et des débris de toutes sortes. le ciel et la mer se confondaient dans un étroit horizon qui, déchiré sans cesse par les éclairs, lançait des lueurs rapides et blafardes. Le tonnerre éclatait sans relâche, et le vent soufflait tantôt avec un bruit sourd, tantôt avec de sinistres sifflements. Tout le village était arrivé sur la grève, et l'abbé Hercoët, ayant appris qu'une barque était en danger, et que cette barque portait Maurice et Martel, était venu rejoindre ses amis. Mais c'était en vain qu'il cherchait à entraîner Armande. Mouillée par les paquets de mer et par les rafales d'écume qui lui soufflaient à la figure, elle ne voulait pas quitter la plage. Les yeux sur la mer, elle n'abandonnait pas l'albatros une seule minute. Parfois son regard se troublait, et elle sentait les forces qui lui manquaient, mais alors elle s'asseyait sur le sable et regardait toujours. La lutte dura longtemps. Pendant plus d'une demi-heure, l'albatros résista à la tempête, au milieu d'une mer furieuse, où les lames, repoussées par les rochers, revenaient les unes sur les autres, se heurtaient et s'éparpillaient en une blanche poussière que les rafales emportaient au loin. Ni la sombre horreur du ciel, ni la violence des vagues, ni l'impétuosité des grains, ni les éclats du tonnerre ne paraissaient émouvoir celui qui tenait le gouvernail. Mais enfin, tout espoir de franchir la pointe de l'île étant perdu, on les vit une nouvelle fois virer de bord et se diriger vers la terre. « Y a-t-il de l'eau dans la passe ?» cria M. de Tréflant d'une voix de commandement qui saisit tout le monde au cœur. « Oui, capitaine, » répondit un pêcheur. « Alors feu !» Les douaniers, les uns après les autres, déchargèrent leurs carabines et on se mit à courir vers la passe. Armande n'avançait point aussi vite qu'elle l'eût voulu, car elle regardait toujours la mer et ses pieds s'embarrassaient dans le varech. Sans M. de Tréflant, qui la soutenait, elle serait tombée à chaque pas. L'albatros allait d'une rapidité effrayante, mais avec le terrible courant qu'il entraînait, il gouvernait assez mal. Souvent son arrière ne plongeait pas dans l'eau, et alors, sans direction, porté par la vague, il s'abattait, tantôt à droite, tantôt à gauche. Souvent on eût dit que la poupe allait passer devant la proue, et cependant approchait le moment critique où il fallait qu'il obéît docilement à la main qui le conduisait. Ils arrivaient dans la passe. Personne ne parlait plus, tout le monde regardait. Sans en avoir conscience, Armande enfonçait ses doigts dans le bras de M. Tréfléant. Entre deux lignes blanches d'écume courait tortueusement une petite bande d'eau noire, large à peine de quelques mètres. C'était le sentier qu'il devait parcourir. Une déviation d'un côté ou de l'autre, un faux coup de barre, une embardée imprévue, c'en était fait d'eux, ils se brisaient sur les rochers. Lorsque le Beaupré parut entre les brisants, il eut une horrible anxiété, même chez ces marins habitués à la mort. L'on n'entendit plus que les hurlements de la mer et de la bourrasque. Le canot passa au milieu des premières aiguilles, courut en droite ligne, obliqua d'un côté, revint d'un autre, rasa un énorme quartier de roc qui obstruait presque tout le chenal, et tournant à droite, il vint s'allonger sur une plage de sable où la mer, après l'avoir soulevé deux ou trois fois, le déposa sur la grève. Ils étaient sauvés. Cinq ou six pêcheurs s'élancèrent dans l'eau jusqu'aux épaules et apportèrent en triomphe Audrain et Maurice, et dans leurs bras Martel, qui prit du mal de mer, se serait laissé noyer sans faire un mouvement. Sur le rivage se tenaient les amis groupés. Armande, la tête troublée par l'angoisse, oublia où elle était et ceux qui pouvaient la voir. Courut au devant de Maurice et sans dire un seul mot, se jeta dans ses bras. « Armande !» murmura Maurice à son oreille. « Que faites-vous ? » Elle comprit, revint à elle, et se relevant, elle chercha Audrain des yeux. Elle ne le trouva pas. Ayant vu que le premier regard n'avait point été pour lui, il s'était enfui, suffoqué. Déjà, on pouvait l'apercevoir qui gravissait la falaise sans se retourner. On revint tous ensemble au château. Prêt à rentrer, M. Michon s'approcha de Maurice. « Va changer de vêtements, lui dit-il, et viens me rejoindre dans la bibliothèque, j'ai à te parler. » Maurice, plus ému qu'il ne l'avait été pendant l'orage, revint promptement. Le docteur se promenait à grands pas dans la bibliothèque. Quand Maurice fut entré, il alla pousser le verrou. « Assieds-toi, » lui dit-il, « et réponds-moi. Pourquoi Armand t'est-elle jetée dans tes bras ?» Il y eut un moment de silence. Maurice tremblait. « Nous nous aimons, » dit-il. « Je croyais que tu aimais une grande dame parisienne. Mais réponds, je ne l'aime plus. Et tu aimes Armand de toute mon âme. Allons, raconte-moi comment cet amour a remplacé l'autre. Et si tu as quelque respect pour ma vieille amitié, dis la vérité, parle. » Maurice raconta en quelques mots ses amours avec Marguerite. Il dit son abandon, sa souffrance, sa maladie. Puis il dit comment il était arrivé désespéré, comment Armande l'avait consolé, comment ils s'étaient aimés, comment ils s'étaient avoué leur amour. Le docteur, de temps en temps, le regardait dans les yeux, puis il lui faisait signe de continuer. « Eh bien, fit-il quand Maurice fut arrivé à la fin. « Quelle était ton intention ? De vous la demander pour femme ? Pourquoi n'as-tu point parlé plus tôt ? J'avais peur que vous ne me crissiez quelques pensées d'intérêt. Écoute-moi bien. Je vais te répondre aussi avec franchise. Tu me l'aurais demandé il y a 2 mois, probablement je te l'aurais refusé. Non à cause de toi, mais parce que tu n'as pas de position. Aujourd'hui, les conditions ne sont plus les mêmes. Tu es toujours sans position, c'est vrai, mais tu t'es fait aimer d'Armande. Je t'aime moi-même, je te crois bon, sincère. Tu as eu une passion, c'est vrai, mais comme tu es sanguin, ton chagrin se sera envolé et tu auras gardé l'expérience. Je ne veux point faire votre malheur à tous deux. Je te la donne. » Ils redescendirent. Auprès d'un grand feu, M. de Tréfléant, l'abbé et Armande étaient assis pour se sécher. Armande voulait faire bonne contenance, mais elle ne savait trop ce qu'elle disait et se sentait défaillir. « Mes amis, dit le docteur en entrant, je vous présente mon gendre. » Armande se leva, resta quelques instants immobile comme pour s'assurer qu'elle avait bien entendu, puis elle poussa un cri et sauta dans les bras de son grand-père. M. de Tréfléant et l'abbé embrassèrent Maurice. « Mon cher enfant, dit l'abbé, j'ai une demande à te faire, et je me flatte que ton bonheur va te rendre généreux. Pendant que tu étais à la mer, le curé de l'Anélis est venu. Il y a, de mardi en 8, grand pardon à la chapelle de Saint-Guin. Le comte de l'Anélis vient de lui donner un bel orgue et le curé te prie de le toucher. Il y aura une cérémonie superbe. Monseigneur y sera, le comte et la comtesse quitteront eux-mêmes. Le produit sera pour les pauvres incendiés. J'ai promis en ton nom, ai-je bien fait ? Maurice hésita avant de répondre. Le souvenir de Marguerite, rappelé en ce moment, lui avait serré le cœur. La pensée de la revoir l'effrayait. Mais en regardant Armande, en songeant à son bonheur et à son amour, il se crut invulnérable. « Je vous remercie d'avoir promis pour moi, dit-il. »